key. Je vais pas te dire que je pourrais troquer le temps pour tes yeux, mais sérieux, laisse-moi te croquer dedans. J'ai trop fait le gland à vouloir stopper le vent. Tu crois que tous les deux on pourrait sauver ce plan ou pas? Laisse-moi te goûter. Viens après on se carapate et fais-moi douter. Laisse-moi t'écouter, viens me raconter que la terre est plate. Dis-moi que la vie est belle et je te croirai. Pour toi j'aiguiserai le fer et je le croiserai. Tant qu'à squatter ma tête, ne veux-tu pas squatter mon lit toute la soirée? Y'a de la place pour toi dedans. Y'a même la place pour trois, t'entends? Mais c'est toi que j'attends. Tu sais très bien que je rappe pour le love, que pour le reste j'ai pas le temps. Pour le reste j'ai pas le temps. Hey yo, ok, lâcher des rires. Salir les pensées de nos aînés, on est trop nombreux à craindre, à feindre, à geindre, alors qu'on n'a pas de quoi se plaindre. On n'est pas assez à se battre, à lutter. Trop nombreux à haïr, trop nombreux à aimer, trop nombreux à salir les pensées de nos aînés. On est trop nombreux à craindre, trop nombreux à feindre, à geindre alors qu'on n'a pas de quoi se plaindre. On n'est pas assez à se battre, pas assez à lutter, pas pas assez en vrac pour se faire duper, mais pas assez joyeux, pas assez à danser, beaucoup trop nombreux du mauvais côté de la balance. Et le pire c'est qu'on s'en fout, avant que j'étouffe et fumer sur le bambou, sinon je vais devenir ouf, vas-y ma gueule, donne tilleul. Et puis j'aime bien l'idée de creuser ma tombe tout seul, ouais c'est cruel, mais c'est réel. J'aurais préféré dire que je crois encore aux hirondelles, mais on a beau lever les bras, crier ce qu'on peut, la réalité est là, on est beaucoup trop nombreux. Et mon stylo non plus suffit, plus bien que j'ai plus de 10 ans de plume. La pluie dans mes plus beaux textes ne chasse plus la brume. On est trop nombreux à haïr, à aimer la misanthropie m'attire. Chaque jour j'ai peur de sombre et j'arme mon sourire. J'ai peur que ça soit léger, l'humain n'est bon qu'à détruire. Et ça, ça fait flipper, mais y'a pas de quoi bouffer plein de pilules ou se faire imploser la tête. Ils auraient envie de faire la fête sur nos corps. On m'a dit que l'amour était mort, j'ai fini par y croire. Aujourd'hui je pleure sur son sort. Je ne suis qu'un animal doué de conscience. Vous êtes con, je pense, gens du capital. Vous êtes consciencieux, nous, on a la dalle. La fougue et le bon sens. La foule et la bon sens, ce soir, c'est affolant. C'est la folie dans l'ambiance. À vous de foutre le boxon, faut allumer le faille. À foutre le bordel dans la France. Vas-y, perturbe la place. La vie est dure, ça casse. La weed est pure, ça passe. Comme un con, tu gaulerie devant ces clowns sans le babybel sur la face. Mais eux aussi doivent se marrer. Tant que tu votes docile, eux peuvent se parer. Je vais te barrer. Mais je suis trop taré. Je suis un chat, donc je m'en fous de ta vie. Et en plus de ça, c'est ma place ici. Un chien, je t'ai trop senti arriver. Mais bientôt tu seras reparti. Allez bye bye, salut, bien essayé. Mais nous on voulait être libres. Thank you. Thank you.